Oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Quel est le point commun entre Émile Zola, Agatha Christie, Buster Keaton et le peintre Turner? La réponse tient en deux mots, le train. Tous ces créateurs ont à leur façon contribué à la mythification de ce mode de transport qui a changé à vitesse grandissante notre rapport à l'espace et au temps. Si le train a failli devenir un mode de transport désuet, il semble aujourd'hui connaître le début d'un retour en grâce et c'est son histoire plurielle que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le monde à portée de train, c'est le programme ferroviaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous aiguiller dans cette histoire du train et des chemins de fer, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Ribeil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire ferroviaire, fondateur de l'association Rail et Histoire, animateur de la revue Historail et auteur du livre Les trains de nuit, deux siècles de voyage de la banquette de bois au wagon-lit. Nous avons également le plaisir d'être en ligne avec François Schuiten. Vous êtes dessinateur, spécialiste et passionné d'histoire ferroviaire. Vous êtes l'auteur de la bande dessinée La Douce, parue chez Casterman, et vous avez travaillé à la scénographie du musée Train World dans la gare de Schaerbeek. Alors, avant d'entamer cette longue et sinueuse histoire des premiers trains, des premiers réseaux ferroviaires, François Schuiten, j'aimerais que vous nous décriviez un petit peu la vie d'avant le train. À quoi ressemblaient les voyages et les transports avant l'invention des premières locomotives ? Ouh là là ! Évidemment, on est dans un autre monde. C'est ça qui est assez fascinant avec le train, c'est le basculement qu'il va apporter. Bien sûr, nous avons des calèches, nous avons des tas de choses où c'est le cheval qui est le maître, qui dirige, et tout est organisé autour du cheval. Pour se déplacer, il est incontournable. Et évidemment, c'est là où c'est passionnant de voir, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi la combinaison entre des chevaux et des chariots sur rail. Mmh. Donc, on n'est pas passé comme ça si simplement, ce n'est pas un on-off. Il y a vraiment eu une progression. On a eu des tas de choses sur rail, mais évidemment, ce qui va tout changer, c'est la locomotive à vapeur. La locomotive à vapeur, parlons-en, Georges Ribeil. Avant la locomotive à vapeur, il y a la machine à vapeur. Alors, comment ça fonctionnait et qui a eu l'idée de mettre des roues sous ces machines à vapeur? Alors, c'est en quelques étapes pour simplifier. Effectivement, on aura Denis Papin, James Watt, mettre au point des moteurs très simples avec un cylindre, un piston animé par de la vapeur qu'il faut fabriquer. On va évoluer très vite avec Stephenson, qui va mettre au point, concurremment avec Seguin en France, un système mobile sur rail, où finalement, la chaleur dégagée par une chaudière fait de la vapeur qui va presser un piston. Ce qui est important, c'est à la fois la chaudière tubulaire qui permet d'avoir un très bon rendement thermodynamique à partir du charbon brûlé, et ajoutons, important, le tirage forcé de la fumée par un système mécanique qui va entretenir le feu. Voilà. Donc c'est la combinaison de ces éléments qui fait la locomotive, qui va retrouver les rails qu'empruntaient déjà des chariots tirés par des chevaux. Tirés par des chevaux dans des mines, notamment. Georges Ribeil, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemblaient ces premières loco-vapeurs? Alors, enfin, on est très très loin là des TGV ou des TER qu'on connaît actuellement avec leur forme un peu futuriste. Oui, ces locomotives sont très rustiques. Alors, effectivement, il va y avoir l'Angleterre va prendre la primauté de ses inventeurs, copiés tardivement en France par des constructeurs qui vont mettre leur savoir-faire en route. Mais on va avoir un complexe d'infériorité longtemps par rapport aux constructeurs anglais. En particulier, c'est eux qui vont former les premiers mécaniciens sur leurs locomotives. Et en France, il faudra bien faire appel pour tirer les premiers trains à des mécaniciens anglais. On a évoqué à l'instant l'héritage routier. Et bien, il est important aussi de rappeler que les premières voitures voyageurs conçues par les compagnies de chemin de fer, c'est la caisse de la diligence avec ses trois compartiments, trois classes, le coupé, la diligence, la rotonde, qu'on a mis sur deux essieux. N'oublions pas la quatrième classe et l'impériale là-haut. Mais ça, c'est important de rappeler qu'il y a un héritage très fort dans la terminologie, dans les concepts. on passe de la caisse de la diligence à la caisse du train. Et on va en parler bien évidemment de l'importance qu'a eu cette distinction entre transport de marchandises, transport de voyageurs. François Schuiten, où ont été utilisés les premiers trains et qu'est-ce qu'ils ont permis de tracter ? Oh ben au départ, c'est évidemment des transports, comment dire, pour des marchandises. C'est l'événement. Donc, par certains côtés, la Belgique a joué un petit rôle intéressant puisque c'est la première ligne sur le continent entre Bruxelles et Malines, et on est en 1835. Et là, il y a un convoi avec énormément. Il y a même le roi qui est là. Et c'est un événement considérable parce que c'est la première fois qu'une capitale est reliée à une ville en Europe. Et donc, ça montre le passage à une autre dimension. Parce que là, le public est là et le public est sur les machines, enfin sur les voitures. Et évidemment, ils se rendent compte de ce que ça représente, de la vitesse. Pour vous dire l'émotion qu'il y avait autour de ça, parce qu'il y avait une grande peur. Hein. Les gens croyaient qu'on allait avoir des émotions très particulières, qu'ils allaient peut-être chanceler. Enfin, donc il y avait des grandes peurs. Et ils vont se rendre compte que c'est plutôt plaisant. Et que le paysage défile d'une façon très, très, très régulière, ce qui est très surprenant hein, par rapport aux calèches, par rapport aux routes qu'il y avait, qui étaient quand même relativement difficiles. Et donc, ces moments-là sont des moments qui sont d'ailleurs décrits avec beaucoup de précision par les écrivains pour montrer à quel point c'est un étonnement et un émerveillement. Vous parliez de la peur de prendre le train. J'ai appris un mot, donc je vous le partage. Ça s'appelle la sidérodromophobie, la peur de prendre le train. Georges Ribeil, vous souhaitiez réagir à ce que disait à l'instant François Schuiten. François Schuiten a évoqué rapidement la Belgique, qui est la pionnière d'un chemin de fer en Europe. De quoi complexer les Français, qui ont, par rapport aux Anglais, par rapport aux Belges, vont avoir accusé un certain retard en matière de train de voyageurs. Il faut attendre 1837 pour lancer le premier grand train de voyageurs, le Paris-Saint-Germain-Lallée. Une expérience financière tentative, réussie quand même, qui va apporter de l'argent, qui va entraîner la première railway mania à la française, l'engouement pour, à la bourse en particulier, pour jouer, parier sur l'avenir financier du chemin de fer. On y viendra bien sûr à ces trains de voyageurs. Pour en revenir aux trains de marchandises, est-ce que le train, Georges Ribeil, accompagne la révolution industrielle et d'une certaine façon l'accélère ? Oui, parce qu'effectivement, on l'a évoqué, le premier gros trafic que vont assurer les trains de marchandises, c'est la desserte des bassins mouillés, qui sont enclavés par des routes, des reliefs compliqués. Donc ça va être la première, en région de Saint-Etienne en particulier. C'est ça, c'est en France, c'est là où les premiers trains sont installés, c'est dans la région de Saint-Etienne, qui est un bassin minier. Voilà, dans les bassins mouillés, il n'y a pas que celui de Saint-Etienne, il y a aussi celui du Gard. On va tirer vers le port, vers le fleuve, le charbon. Donc il va trouver après ses débouchés industriels, les machines à vapeur qui attendent. Ça c'est très important, ce moment clé de l'alliance du train avec la desserte des usines qui ont soif de charbon. Il faut pouvoir le tracter ce charbon. Alors dans les premières décennies du train, est-ce que très vite il y a des évolutions techniques qui permettent au train d'avoir une puissance supérieure, qui permettent de tirer beaucoup de wagons et donc beaucoup de charbon, beaucoup de matériaux ? Alors, en France, nous avons un grave défaut, nous avons un charbon de mauvaise qualité. Ce qui fait que les ingénieurs français vont s'ingénier à faire des locomotives très sophistiquées au point de vue du rendement thermodynamique. Donc, on va passer son temps, on est bien armé avec des polytechniciens, des centraliens, à essayer d'améliorer de manière perpétuelle la machine à locomotive, d'où des petites séries de locomotives, quasiment coûts humains pour desserrer telle ligne, tel trafic. Donc, appelant des mains d'œuvre de mécaniciens et de chauffeurs très pointus pour conduire ces engins de petite série, très qualifiés. Donc, ce que je voulais insister, ce que je dois dire, c'est qu'au fond, la sophistication technique de nos locomotives, derrière il y a le rendement thermodynamique, va entraîner la qualification des mécaniciens chauffeurs à la française. François Schuiten, sur cette question et sur la question de cette puissance grandissante des trains dans les premières décennies qui suivent son invention. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir évidemment qu'il va avoir une émulsion, enfin une concurrence. Chaque pays va innover. Les ingénieurs vont faire preuve d'extraordinairement de trouvailles, de recherches pour arriver évidemment à rendre plus performants ces machines. Et c'est une époque passionnante parce qu'on voit émerger des ingénieurs remarquables qui trouvent des solutions nouvelles. Et ça va très très vite à ce moment-là parce que il y a une euphorie autour du ferroviaire. Hein. Il faut vous rendre compte que tout le monde veut son train, tout le monde veut sa ligne. c'est assez passionnant de voir à quel point ce réseau se développe. Ça, c'est assez frappant de voir aussi qu'on a perdu une partie de la richesse de ce réseau parce qu'il était extrêmement dense à une époque. Et à cette époque, la locomotive devient un emblème, un mythe et presque, je dis bien presque, une personne. Voilà. C'est drôle ce nom que vous lui donnez, la Liseau. Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de l'appeler avec un numéro, hein? Je peux monter? Vous allez vous salir. Ah, sérieux. Attendez. Faites attention, hein, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon. C'est chaud. Ah, bah dites donc, elle en mange du charbon. Elle est belle, ma machine, hein. Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure. Vous l'aimez, votre machine? On a vu tellement de choses ensemble. Tellement de choses? Bah oui, quoi, sur la ligne, on voit tout, on connaît tout. Avec cette vitesse? Bien sûr. Mais dans les champs, les petits lapins, ils nous regardent passer, ils n'ont pas peur. Ils savent très bien qu'on leur fera pas de mal. Voilà, Georges Ribeil, un extrait évidemment de La Bête humaine de Jean Renoir, adapté du roman éponyme d'Émile Zola. C'était en 1938, on a reconnu la voix de Jean Gabin qui interprétait Jacques Lantier. Une réaction à cet archive, Georges Ribeil? Eh bien oui, c'est que c'est en Belgique justement qu'on a inventé les primes de traction pour économiser le charbon ou les graisses. Ce sont les Belges qui sont pionniers, Monsieur Schuiten, bravo. Et on va introduire le modèle en France à la compagnie du Strasbourg-Bâle, parce qu'au fond le problème est le suivant. À bord de la locomotive, il y a un mécanicien, un chauffeur, mais il n'y a pas un contremaître, un ingénieur pour surveiller qu'ils font le bon boulot, le bon job. Donc il va falloir éviter qu'ils respectent les consignes de sécurité, qu'ils ne consomment pas trop de charbon. On va inventer un système judicieux de primes et d'amendes. Au fond, on vous a donné une allocation de temps de charbon pour faire un Paris-Orléans avec un train de 200 tonnes. Si à l'arrivée, il reste deux quintaux, eh bien on partagera le bénéfice entre la compagnie, le mécanicien et le chauffeur. François Schuiten, une réaction à ce que vient de dire Georges Ribeil et aussi à cet extrait de La Bête humaine de Jean Renoir. Oui, voilà, La Bête humaine et surtout le début de La Bête humaine, c'est une des plus belles séquences sur le train. La complicité entre le chauffeur et le machiniste est remarquablement bien rendue. Là, Renoir a trouvé des solutions pour nous faire vivre comment on était pris dans ces machines, comment on vivait. Parce que c'était, moi j'ai fait quelques parcours sur des machines à vapeur dans le poste de conduite. Vous avez la chaleur du foyer, vous avez la vitesse, la fumée, les escarbilles, vous avez celui qui met le charbon dans le foyer, qui était une science, vous savez, il faut organiser le feu, il faut avoir la capacité de bien le répartir dans le foyer, et puis il y a la conduite en elle-même, il faut surveiller la voie, et il y a une complicité entre ces deux hommes et en même temps une connaissance de leur machine, ce qui fait qu'évidemment ils aimaient leur outil, ils aimaient leur machine, il y avait un lien organique. Il la reconnaissait à la respiration presque que ces machines ont, parce que c'est vrai que c'est très troublant de sentir une machine à vapeur. Ça respire. Et donc, il y a là une émotion extraordinaire. Moi, quand j'ai fait l'album Ladoux, j'étais toujours troublé. J'avais parfois des gens qui venaient me voir et qui parlaient de leur père qui était conducteur, qui était cheminot. Voilà, cheminot. Et ils disaient que la nostalgie qu'ils avaient, je disais, mais qu'est-ce qu'ils se souviennent de cette époque? Et ils disaient, ce qu'ils ont regretté au passage de l'électricité, c'est qu'ils n'avaient plus le goût du vent. C'était joli parce qu'évidemment, ces cabines étaient ouvertes. Et ils étaient dans le vent, dans le souffle. Et après, ils vont se retrouver dans des petites cabines électriques enfermées à faire fonctionner un système qui, évidemment, réduit énormément leur talent. Georges Ribeil, on a perdu le goût du vent? François Bézard a insisté, il a raison, sur le côté organique qui va relier l'équipe à la locomotive. N'oublions pas qu'effectivement, la c'était un travail éreintant. C'était un travail éreintant d'être cheminot à cette époque-là, de charger la chaudière. On est tant plus content qu'on est titulaire de la locomotive, c'est-à-dire le mécanicien et le chauffeur. Dans certaines compagnies, ils ont même le droit de visser une plaque sur la locomotive, mécanicien Dupont, chauffeur Durand. Donc, les compagnies ont fabriqué délibérément cette appropriation en leur disant « Vous avez dans les mains un engin très coûteux, très sophistiqué, il est le vôtre, ça veut dire entretenez-le, bichonnez-le, faites des économies, faites le meilleur rendement. » D'où cette mythologie à la fois héroïque et érotique qui va lui relier le mécanicien, cette locomotive dont les cylindres, ce va-et-vient, peut fantasmer de manière littérature érotique, évidemment, ça a été abordé. Voilà. Mais ce modèle-là qui va fabriquer les gueules noires de l'attraction, les sénateurs, très bien, le haut de gamme du cheminot, va trouver quand même un inconvénient majeur lorsque progressivement, pendant le siècle à venir, 1950-1930, les lois sociales vont imposer aux mécaniciens, aux chauffeurs, une durée du travail de plus en plus limitée. Et donc, comme la locomotive, c'est eux seuls qui la conduisent, on va voir apparaître un grave problème de rentabilité, d'économie de la traction, qui est qu'en fait, il devient insupportable qu'en 1938, une locomotive à vapeur, aussi belle soit-elle qu'une Pacifique, fait environ 100 km par jour par 24 heures, et reste au repos, donc le système n'est plus rentable. Mmh. Et donc ça va préparer, on va en parler tout à l'heure, une révolution vers l'électrification. Oui. François Chuitaine, vous étiez réagir. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de sensualité, presque d'érotisme, il ne faut pas oublier que quand ils étaient responsables de la propreté de la machine, c'était même plus que ça, ils la faisaient briller. Mmh. Et ça, c'est une notion troublante, c'est qu'ils la ciraient, enfin, ils la lustraient. Et puis, vous savez, ils mangeaient, généralement, ils prenaient des œufs ou du lard qu'ils faisaient cuire dans le feu. C'est pour vous dire à quel point le lien était puissant. Georges Ribeil, on parlait tout à l'heure de la puissance croissante des premières locomotives. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de l'évolution de la vitesse jusque dans à la fin du 19e siècle des trains? Est-ce que en 1889, on organise en France un concours de vitesse des locomotives, vous voyez, comme une espèce de l'Olympiade ferroviaire. Chaque compagnie apporte ses locomotives entre Paris et la Haute-Migène. On va mesurer, c'est une approche scientifique qui vient à mesurer des modèles. Mais autant ce record de vitesse de 142 km à l'heure en 1889 est consacré, en fait, en réalité, à l'époque, on demande aux locomotives beaucoup plus de puissance. La vitesse devient secondaire, la puissance est tirée des trains de plus en plus lourds, de marchandises, ou des trains de voyageurs de plus en plus lourds, par exemple de voitures couchettes qui sont de plus en plus lourdes. Donc, contre la puissance. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. Il dit beaucoup de choses dans le lave la marche. On parlait des besoins auxquels répondaient les premiers trains, notamment industriels, on parle des premiers trains de voyageurs. L'histoire du train, elle est fulgurante, on le disait, en Europe, mais c'est aussi une histoire américaine. Je vous propose d'écouter un extrait de « Il était une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone, c'était en 1968. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que c'est? C'est une gare ici. Et tout autour, c'est une ville. La ville de Peter McBain. Il devait être cinglé, ce gars-là. Oui, d'une façon assez spéciale. Il avait une idée fixe. Il savait que tôt ou tard, le chemin de fer qui passait par Flagstone continuerait vers l'ouest. Alors il a prospecté toute la région environnante. Et il a trouvé ce coin dans le désert. Et pendant des années, il a attendu. Qu'est-ce qu'il a attendu? Que le chemin de fer arrive jusque chez lui. Et nom d'un chien, comment pouvait-il deviner que le chemin de fer passerait sur ses terres? Les locomotives ne roulent pas sans eau. Et le seul point d'eau à 100 km de Flagstone est ici même. Sur ce terrain. Ah, il était cinglé, mais il était pas bête, hein? J'ai remarqué que les équipes de poseurs de rails sont déjà derrière ces collines. Et un de ces quatre matins, ils seront ici. Une ville planté près d'une voie ferrée. Ça devrait rapporter une fortune, hein? Des centaines de milliers de dollars. Plus que ça, même. Des milliers de milliers de dollars. Ça s'appelle des millions. Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone, François Chuitaine. Cette fiction, elle dit beaucoup de choses, n'empêche, sur l'invention du train et sur la façon dont le train a structuré l'espace. Est-ce que vous pourriez réagir à cet extrait très riche qu'on vient d'entendre? Oui, parce qu'il dit tellement de choses. Il dit à quel point une gare, c'était le départ d'une ville et que tout changeait à ce moment-là. Et évidemment, les États-Unis se sont complètement développés. C'est le train qui a permis ce développement. Et c'est un petit peu triste d'ailleurs qu'il l'ait oublié. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on voit à quel point des projets de TGV et tout ça sont très difficiles et très longs à venir. Parce que très coûteux. Oui, sans doute, mais parce qu'ils ont visé très très vite tout sur la voiture et puis sur l'avion, et ils ont oublié ce qui a construit leur pays et qui a construit leur ville et évidemment leur économie aussi, parce que c'était un ensemble, et leur industrie. Et ça, c'est assez troublant. C'est un petit peu, ça a été très radical. Alors évidemment, il y a encore quelques grandes lignes et quelques grands transports, je dirais commerciaux, mais industriels, mais c'est plus du tout la force et la beauté, parce qu'il ne faut pas oublier que les machines américaines étaient parmi les plus puissantes et dans les années 30, parmi les plus belles aussi. On a eu tout ce design des locomotives des années 30, de Raymond Loewy à bien d'autres, qui ont fait des machines d'une beauté incroyable. C'est vrai que quand on pense aux trains américains aujourd'hui, on pense à ces interminables trains de marchandises, Georges Ribeil, que vous inspire cet extrait de... Alors, le modèle américain, justement, il fait contrepoint au modèle européen. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, il n'y a pas d'État qui va soutenir les chemins de fer. Débrouillez-vous capitalistes, et les capitalistes vont dire, si je mets un dollar dans le train, il doit être rentable le plus tôt possible. Donc, on va avoir une construction du système ferroviaire technique tout à fait différente à l'économie, avec des traverses de bois, des locomotives très rustiques, très simples, justement, simples à conduire, où le mécanicien, par équipe se renouvelant, va passer 24 heures sur la locomotive, avec un dortoir. Donc, une main-d'œuvre peu qualifiée, mais des locomotives qui font de l'endurance, qui vont rouler jour et nuit, alors qu'en France, je l'évoquais tout à l'heure, la locomotive, elle est autodépôt, à la rotonde, comme le mécanicien. Donc c'est un modèle tout à fait différent, rustique, mais très performant, et qui sera adopté finalement, lorsque, en les années 40-44, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a compris qu'on ne peut plus tenir ce modèle de la sophistication de la locomotive et du mécanicien ultra qualifié, on va commander aux États-Unis les fameuses belles américaines, les 141R, faites pour la conduite en banalité par n'importe qui, avec des sièges confortables, des manettes assez simples, un chargeur de charbon avec un stocker, et on va découvrir un monde tout à fait nouveau, un peu automatisé, mécanisé, qui va coûter cher à la qualification dans le gars le noir. Là, c'est un sale coup. À 45-46 ans, la libération, pour eux, c'est aussi un coup de massue, en même temps qu'arrive l'électrification. François Schuiten, si on en revient à cette question de la structuration de l'espace par les réseaux ferroviaires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, notamment en Europe, la naissance de l'Europe grâce au train ? Oui, ce qui était passionnant, c'est de voir à quel point le train participe à construire l'Europe. Ce qui était magnifique à une époque, c'est qu'on donnait son passeport au chef de train et après les frontières se passaient sans problème, on ne se rendait même plus compte qu'on passait d'un pays à l'autre. Évidemment, il y a quelqu'un que je trouve essentiel dans cette histoire, c'est Nagel Makers, qui est celui qui a inventé le concept des wagons-lits, qui était un petit peu inspiré des pullman américains. Et en 1976, il crée cette compagnie et ça va tout changer, évidemment, parce qu'il a une vision. Il a une façon de penser et surtout il va faire rêver à l'Orient, il va faire rêver au voyage, à une dimension, je dirais, totalement fantastique de l'Orient. Elle est un petit peu rêvée, mais brusquement, les gens peuvent se permettre d'y aller et de découvrir ces pays. Et ça, c'est avec un confort, avec une qualité de service, avec des trains qui offrent, je dirais, une magie par certains côtés. Oui, c'est alors, vraiment la naissance d'un mythe du voyage. Par exemple, j'ai lu en préparant cette émission qu'en 1850, Chalon-sur-Marne est à 4 heures environ de Paris grâce au train, alors que Strasbourg, qui n'a pas encore accès au train, est à 30 heures de poste. On imagine bien l'engouement, Georges Ribeil, qu'il y a eu du côté des voyageurs pour ces nouveaux horizons qui s'ouvraient grâce au train. Effectivement, les tarifs restent quand même, les tarifs, les trois classes, qui ne sont plus que 2 minutes 156 pour simplifier l'exploitation, les trois classes restent quand même, ce n'est pas des tarifs très bon marché finalement, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et on a évoqué, un instant, les wagons-lits de la compagnie de Nagel Makers, là les prix sont exorbitants, c'est réservé à une élite aristocratique, financière, qui peut se payer un voyage en Autriche ou sur les rives du Danube. Voilà. Donc ça, c'est important. Bien sûr, les tarifs sont tarifs voyageurs. C'est l'État qui va les décider, qui va les imposer. Ils vont, réduire petit à petit, progressivement. Et il en est de même pour les tarifs marchandises, qui vont jouer un rôle clé. Ça, c'est important. la révolution des marchés agricoles grâce au chemin de fer. Parce qu'au fond, n'oublions pas que les denrées agricoles, même une barrique de vin, ne peut pas supporter 10 jours de voyage calèche, ballotté, secoué en plein soleil. Il en est encore plus vrai des denrées vivrières, légumes et fruits de nos petites régions du Midi. Et donc, à l'époque, tous ces marchés sont complètement enclavés. Donc, le train a une vertu énorme, c'est d'ouvrir ces marchés vers le ventre de Paris, c'est-à-dire vers les Halles, le carreau des Halles de Paris, en régulant tous ces marchés. Au fond, les compagnies vont même s'évertuer à dire, attendez, le melon du Vaucluse, faites-le à telle époque, pour n'y même pas concurrencer le melon de la Basse-Garonne, il vaut mieux tout ça que ça arrive sur le marché parisien, de manière répartie dans le temps. Ça, c'est très important. On n'imagine pas très bien. C'est très intéressant même de se dire que le contenu de nos assiettes a été transformé par le train. Voilà, ça c'est... les Halles de Paris vont découvrir au fond tous ces produits locaux qui étaient fragiles, qui demeuraient des variétés locales. Et en particulier, j'aime à rappeler que par exemple, lorsque le phylloxéra arrive et va ravager les vignobles, le Paris-Orléans, en quête de trafic de relève, va promouvoir du côté de Marmande une fameuse tomate qui viendra la tomate dite traditionnelle de Marmande, qui n'a rien de traditionnel, qui est une invention du Paris-Orléans. Mmh. De la même manière, entre deux guerres, on découvrira une fraise, la variété Ricard de Thury, qui a comme vertu d'avoir une peau assez dure et qui fera le bonheur des Lotois dans leur vallée pour alimenter le carreau des Halles en fraises fraîches. François Schuiten, sur cette structuration du territoire par le train, il y a un plan, je crois, notamment en France, qu'il faut mentionner, c'est le plan Fraissinet. Alors, quelles conséquences a eu ce plan et quelle était l'idée un petit peu derrière ce plan ? Oh là là, je crois que... Georges Ribaille, alors peut-être. Il est plus capable de parler. C'est la troisième étape du grand réseau français. La première étape, les compagnies d'elles-mêmes vont mettre la main sur des artères les plus rentables, Paris-Lille, Paris-Lyon. Puis après, l'État leur dit, mais il faut continuer, mais c'est plus rentable. Donc l'État va s'investir, va accompagner, va financer, subventionner ce deuxième réseau pour simplifier. Et là, on arrive à la fin du Second Empire, et on arrive à la Troisième République. Et pour les Républicains 1980, Gambetta et autres, il faut continuer à faire du chemin de fer au nom de la justice distributive des services publics. Au fond, tout canton doit avoir un collège, chaque commune avoir une mairie, une école, et un chef de canton doit avoir une gare. Donc ça, c'est le discours républicain de très bon aloi, justice distributive. On ne va pas aider les riches à... L'unification du territoire. Voilà. C'est républicain, mais jusqu'à l'excès. C'est-à-dire qu'au fond, il y a derrière des visées un peu électoralistes. Ces lignes d'intérêt local sont-elles pas des lignes d'intérêt électoral ? On va programmer 20 000 kilomètres, on va doubler le réseau. Chacun peut prononcer, chaque préfet député en veut. Et on va s'engager dans ce plan Fraissinet qui n'aboutira pas que jusqu'au bout, faute de les caisses de l'État étant vides. Voilà. Mais en tout cas, il va contribuer à faire un réseau en France très ramifié de 40 000 kilomètres. En Belgique, c'est quand même pas mal, parce qu'au fond, vous avez la vertu d'avoir un pays plat. Et vous serez plutôt le terrain d'excellence des tramways, n'est-ce pas ? Et oui, parlons-en des tramways, des trolleybus, François Schuiten. Est-ce que ça apparaît relativement rapidement après les premières locomotives à vapeur, ou bien il faut quand même attendre plutôt la fin du 19e siècle pour voir apparaître les premiers trams dans les villes ? Non, en fait, les trams arrivent assez vite, d'abord tirés par des chevaux, toujours. On a le même phénomène que pour les trains. Ce qui est important de dire, c'est que l'électricité va arriver très tôt. En fait, on le sait pas, mais on est en 1879 en Allemagne, où on a des premières lignes. Et puis, évidemment, ce qui va changer les choses profondément, c'est le métro. Parce que là, c'est l'obligation de l'électricité. Et là, on voit bien que on fait des sauts qualitatifs parce qu'il faut trouver des solutions que pour faire circuler des rames en sous-sol. Et l'électricité est la seule et incontournable solution. On parle d'espace urbain, on peut parler peut-être d'espace périurbain. Est-ce que la notion de banlieue apparaît avec le train, Georges Ribaille ? Est-ce que le train fait naître ces espaces un petit peu périphériques des villes auxquels on peut accéder grâce au train ? Oui, c'est vrai que de manière générale, les villes ont plutôt refusé l'accès au centre-ville, c'est Paris, c'est Orléans, c'est Tours, pour des raisons qu'on comprend bien, de type un peu politique, et donc souvent, la gare sera à la périphérie. Donc, on va construire, elle est à la périphérie, pour des raisons de géographie, un peu distantes, elle est pollue un petit peu, il y a du bruit, il y a des va-et-vient de machines, etc. Mais souvent, donc, elle sera excentrée et elle va donner lieu à l'avenue de la gare, artère majeure qui va relier le centre-ville à la gare, alimentée par des correspondants de gare, des facteurs de marchandises, des camionneurs de marchandises. Autrement dit, entre la gare excentrée et le centre-ville, tout un tissu aussi se naît de métiers de dessertes terminales, très importants, qui complètent le buffetier de la gare, l'hôtel de la gare, tout ce complexe urbain qui va dépendre de la gare. François Chuitaine, une réaction à ce que vient de dire Georges Ribail, justement sur cet espace de vie que sont les gares au XIXe siècle, même largement jusqu'à la fin du XXe siècle, et qui sont un petit peu en train de s'aseptiser, on va dire. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est la qualité et l'ambition qu'il y avait sur ces gares. C'était des véritables cathédrales, en fait, des cathédrales ferroviaires. Et il y avait une vision, il y avait des prouesses d'ingénierie pour arriver à créer des espaces sans poutres ou avec le minimum, la plus grande légèreté et effectivement très proche du cœur des villes. Donc on a modifié profondément nos villes avec le ferroviaire, mais on les a aussi enrichies de ces merveilles qui, même quand elles sont sorties de leur fonction ferroviaire, comme la gare d'Orsay, restent des lieux d'une beauté. Il y a eu vraiment des une solennité de la gare, oui, une solennité de ces grandes gares. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des particularités. Chaque gare exprime sa ville, exprime son architecture, son histoire. Ce qui s'est un peu perdu par la suite, où les gares se sont un petit peu internationalisées, c'est-à-dire qu'on n'a plus toujours leur identité, l'identité de là d'où elles viennent. Oui, finalement, la gare, c'est le premier contact qu'on a avec une ville. François Chuitaine, on a parlé beaucoup d'espace, de lieux. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de temps en lien avec le train. Est-ce que le train a modifié notre rapport au temps ? D'abord, il faut dire que il y a peu de gens qui le savent, c'est que c'est le train qui va unifier le temps. En fait, il y avait des différences légères, évidemment, mais entre Lille et Marseille, entre Paris et Bruxelles. Mais brusquement, quand il faut faire circuler des trains, il faut évidemment un temps commun. Et ça, c'est une vraie révolution qui est passionnante. En fait, le rapport au temps est passionnant dans le domaine du ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce qui nous arrive, c'est aussi un rapport qui change sur le temps. Je crois qu'on est un peu moins obsédé sur l'idée de la vitesse. On se rend compte que le train apporte autre chose. Enfin, c'est ça que j'espère, en tout cas. Donc, c'est une longue histoire, le rapport au temps. On a voulu très longtemps aller plus vite, et toujours plus vite. Là, maintenant, on sait qu'on n'ira pas tellement plus vite que les TGV, ou alors... Bien sûr, il y a ces projets d'hyperloop, il y a des tas de projets assez ambitieux. On en parlera tout à l'heure, oui. Oui, mais je veux dire que le temps a évidemment été une des notions et a changé la carte, une carte comme la France. Il est évident qu'il y a des villes qui se sont terriblement rapprochées avec le train. Il y a des villes qui se sont éloignées parce qu'elles n'étaient pas reliées de la même façon. Et le TGV a oublié certaines villes, en a favorisé d'autres. Et donc, c'est une carte qui, comme ça, évolue. Parce que c'est la carte du temps. On va bien sûr parler tout à l'heure du TGV, des conséquences qu'a eu l'invention du train à grande vitesse. Georges Ribail, est-ce que le train, du coup, a inventé la ponctualité ? Ah ben oui, effectivement, puisqu'en termes de sécurité, les circulations des trains sont planifiées, dessinées à l'avance sur des graphiques horaires. Et bien entendu, le moindre retard a un impact sur l'ensemble du système. C'est le côté systémique du transport ferroviaire qui en fait la grandeur. Hein. Très vite, la religion de l'heure et de l'horaire affichée s'impose. En particulier, effectivement, rendons hommage à Chex, qui va gagner de l'argent en faisant l'indicateur Chex, qui jusqu'en 1975 permettait de préparer chez soi des horaires combiné de trains successifs. Bon, donc on a vécu, et le cheminot de base avait un régulateur, un chronomètre, puisqu'au fond, le temps, l'heure était le maître du système. Le maître étalon du système, et c'était un garant de la sécurité. C'était un garant de la sécurité. Alors effectivement, on l'a évoqué, lorsqu'il y avait des retards, il y avait, bien sûr, il fallait rattraper chacun dans son côté, l'aiguilleur, le mécanicien, le cantonnier à la voie pour réparer un rail cassé, tout ça contribuer à faire au quotidien la grandeur de la culture cheminote, c'est-à-dire qu'au fond, chacun est un petit rouage de rien du tout, un lampiste doit quand même accrocher une lanterne au cul du wagon si le train veut partir, avec ce fanal rouge. Donc chacun y contribue à sa petite échelle, mais il sait très bien que la mort de défaillance d'un d'entre eux, une distraction, peut impacter le tout. Et pour moi, je pense que ce qui a fait l'esprit cheminot, le mot est très fort, qui a été encore cultivé à la SNCF durant les années 50, c'est que vous voyez, vous n'êtes pas grand-chose, vous n'êtes pas forcément très qualifié, mais nous formons un corps solidaire et tenu par l'impératif de la sécurité et de l'heure. Et chaque jour, au petit matin, l'aiguilleur qui sort de sa cabine, qui a régulé les trains la nuit, est fier de sa fatigue, comme disait l'un de ces cheminots que j'ai connus. Je suis fier de ma fatigue, grâce à moi, je suis fier de ma fatigue. Ça s'en dit long sur ce qu'a longtemps qualifié l'esprit cheminot, qui vivait d'émulation, de compétition. Au dépôt, à la cantine, les mécaniciens aimaient bien comparer leurs feuilles de paie et regarder les primes des uns et des autres. Ça participe d'une émulation, évidemment. Bien entendu, évidemment. Les compagnies n'étaient pas dupes que ça contribuait à solider tout ça. Voilà, hein. Bon, tout ça, ce mot cheminot que j'ai étudié de très près, dont les origines remontent au cheminot, N-E-A-U, cheminant le long des chantiers, des prolétaires avec une pioche, devenu cheminot annoté à l'oubli pendant la guerre de 14-18. Ce concept, cette essence, un peu platonicienne presque, de ce métier, de ces métiers, va s'atténuer, s'éroder longuement, durablement, des années 80-2000 à la SNCF. François Fuitaine, vous souhaitiez réagir? Oui, parce qu'évidemment, ce dont on parle, en fait, c'est la fierté. C'était peut-être un peu perdu, j'espère que c'est encore là, il y avait la fierté d'appartenir à ce monde des cheminots, à ce monde du ferroviaire. Et il reste toujours ces images extraordinaires où on voit les trains vapeur arriver, on voit le machiniste et le chauffeur dégoulinant, noir et dégoulinant, mais ils sont en hauteur, hein, ils sont très très au-dessus avec leur cabine, et il y a les passagers qui vont vers le centre et qui passent en dessous de ses visages, généralement une clope au bec, est fier d'avoir conduit ses voyageurs à bon port, et il y a un regard d'admiration pour eux. Oui, une forme d'héroïsme du cheminot. Absolument, et il passe devant eux, il passe un petit peu en dessous d'eux, et il les regarde avec beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance, parce que c'est vrai qu'on voit l'effort qu'ils ont fourni, on voit cette machine encore fumante, donc il y a là quelque chose d'effectivement un peu héroïque. Et regardez maintenant aujourd'hui comment ça se passe, c'est frappant cette différence, un TGV arrive et le public généralement, les passagers vont très vite vers le centre sans regarder, et il y a une petite porte qui s'ouvre, oui. Toute petite, et il y a un monsieur qui descend avec une petite valise et qui se fond dans la foule, et ce qu'on a perdu entre les deux, c'est la fierté. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant ce voyage en première classe que vous nous offrez tous les deux dans cette histoire du train. On va parler des menaces qui ont plané sur le train, mais aussi des évolutions qu'il a connues grâce notamment à l'électricité. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai, dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'entends siffler le train par Serge Gainsbourg à 16h40 sur France Culture. Nous parlons pour le dernier épisode de Réka de cet été de l'invention du train et nous en parlons avec Georges Ribeil, spécialiste de l'histoire ferroviaire, fondateur de l'association Rail et Histoire, animateur de la revue Historail et auteur du livre Les trains de nuit, deux siècles de voyage, de la banquette de bois au wagon-lit. Nous sommes également en compagnie de François Schuiten, dessinateur, scénographe, spécialiste et passionné d'histoire ferroviaire, auteur de la bande dessinée La Douce, parue chez Casterman, et scénographe du musée Train World dans la gare de Schaerbeek. Alors on parlait juste avant la superbe chanson de Serge Gainsbourg de l'importance qu'a eu l'électricité dans l'évolution du train, Georges Ribeil. À partir de quand cette électrification du train est vraiment devenue centrale? Alors comme j'ai dit que le charbon en France était de mauvaise qualité et coûteux, et par contre qu'on a des belles montagnes avec des courants d'eau, des torrents, voilà, on va passer assez vite. La France, comme la Suisse, sera avec ses montagnes parmi les pays pionniers de l'électrification, qui va se jouer quand même loin des frontières du Nord et de l'Est, puisqu'on a à la tête des ingénieurs que des fils électriques, des caténaires, c'est très fragile et que l'ennemi peut, à la première offensive, couper ses fils et paralyser les stations ferroviaires. Erreur. Bon, donc, c'est l'entre-deux-guerres qui va avoir. On va démarrer par les lignes de banlieue, hein, puisqu'au fond. Là, le charbon pollue et on trouve que c'est intéressant, ces moteurs électriques, ces navettes, ces premières applications, c'est les banlieues des grandes villes. Et après, on va étendre ça petit à petit, moyennant la contrainte militaire, comme quoi il ne faut pas trop se rapprocher des zones exposées. Donc, pour simplifier, à la SNCF, l'application, c'est l'après-guerre, les années 50, le Paris-Lyon, le Paris-Marseille. Donc, avec des locomotives qui, effectivement, sur lesquelles on va reverser les mécaniciens de la vapeur. Tant pis pour leur prime, leur titularisation. Une locomotive électrique, une BB8100, une 2D2, elle est banalisée, elle est conduite en banalité. Hein. Bon, donc il y aura d'autres compensations. Voilà. Mais c'est un changement brutal. On est dans une cabine encore debout, hein, comme une recherche de la vapeur, alors qu'aux États-Unis, on est assis dans les cabines depuis longtemps. On est debout dans des conditions d'hygiène désastreuses. Mais enfin, tout ça, ça va de l'avant. Je vous propose d'écouter peut-être une archive qui est tirée du chemin des écoliers. C'était en 1953 et on y entend ce passage de la vapeur à l'électricité. Mais mon père, il conduit les trains dans le réseau du Nord. Est-ce qu'il t'a déjà emmené sur une locomotive? Oh bah oui, moi une fois en gare du Nord, pendant la manœuvre, eh ben, il m'a fait monter juste, et puis maman était pas contente parce que j'étais tout sale. Est-ce qu'il conduit une machine à vapeur ou une machine électrique? Oh bah c'est surtout les machines à vapeur, dans le Nord il n'y a pas de machine électrique. Tu as vu la chaudière avec tout le charbon qu'on met dedans? C'est surtout le foyer qui fait impressionnant. Mais si tu voudrais te faire ce métier, toi ça te plairait? Bah je n'ai pas bien une idée bien fixe, mais... Moi, j'aimerais mieux aller chez les machines à vapeur parce qu'il y a plus à faire. Et toi, là, tu voudrais aussi être mécanicien plus tard? Moi, je conduirais une machine électrique parce qu'une machine électrique, plus tard, ce sera plus propre. Plus tard, ce sera plus propre. François Schuiten, déjà une petite conscience écologique chez ces écoliers de 1953. François Schuiten, sur cette révolution électrique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans le domaine ferroviaire? Ben évidemment, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est une chose évidente, c'est le progrès, on ne peut pas revenir en arrière, mais on va voir disparaître beaucoup de ces super machines. Moi, j'ai fait un livre entier sur ces Type 12, qui était d'ailleurs une collaboration franco-belge, c'est un designer français et un ingénieur belge, et elle a été conçue en 1939. Et donc, elle a un petit peu été victime de la période de guerre. Elle a pas pu se développer. Et après guerre, le monde est en train de changer très vite. Et d'abord, on nous apporte des locomotives américaines ou canadiennes. Et on casse un petit peu l'industrie, en tout cas, l'industrie belge. Et c'est l'électrique qui va gagner du temps. Et début des années 60 vont disparaître ces magnifiques machines qui étaient sans doute arrivées à un niveau de technicité, de beauté unique. Et donc, c'était terrible de les voir. Et ce sont souvent les cheminots eux-mêmes qui ont sauvé certaines de ces machines. En tout cas, les machines qui sont au train Nord, beaucoup ont été sauvés par les cheminots, attachés à leur outil, viscéralement incapables de les voir partir. Et dans les types 12, il y en avait 6, il y en avait une qui était en fin d'un charroi qui partait à la ferraille, et les cheminots l'ont détaché. C'est pour vous dire qu'il y avait vraiment là un acte très de conviction qu'il ne fallait pas voir partir ces superbes engins. Georges Ribeil, quel est le point le plus important dans l'électrification ? Est-ce que c'est le fait qu'on aille plus vite ? Est-ce que c'est le fait que ce soit plus propre ? Ou bien est-ce que c'est le fait que ce soit plus économique ? C'est le fait que ce soit plus économique, je pense. Alors, on est dans les 30 glorieuses en France. Le mot-clé, c'est productivité, économie, robotisation, à la limite, automatisation. Et donc, il se trouve que j'ai fait 10 ans, le 28 mars 1955, le fameux jour où la SNCF, le 28 mars, plus le lendemain, 29 mars, allait célébrer deux records mondiaux de vitesse en traction électrique, 331 km à l'heure sur les voies dans les Landes, les voies toutes droites. Le paradoxe, c'est pourquoi diable cette espèce d'Olympiade entre deux constructeurs et deux locomotives. Et bizarrement, ils arrivent au même record, 331 km à l'heure. En fait, derrière, il y avait l'idée que on allait mettre en avant surtout les matériels ferroviaires construits en France par les deux constructeurs principaux, Schneider et Alstom. Et donc, c'était un petit peu truqué, quoi, le constat. Mais ça a marqué les esprits à ce moment-là. Un avion survole le film de ces deux locomotives. Derrière elle, le rail est tordu, mais on a rabattu. La SNCF se met dans la course mondiale à la vitesse. Parlons-en de cette course mondiale à la vitesse et faisons un petit saut dans le temps de 1955 à 1981. Je vous propose d'écouter évidemment le TGV. TGV appelle la sous-station de Sarry. Vous mettez la tension à 29 kV s'il vous plaît. Départ. Alors départ. Marche TGV 100. Panto avant. Vitesse limite 370. TGV opérateur essai. Nous avons atteint 372 km/h. 373, 14, 15, 19, 80. Et nous avons atteint 380 km/h sur la rame. Voilà pour ce record de vitesse battu par le TGV au début des années 80. François Schuiten, comment interpréter cette pulsion de vitesse qu'incarne le TGV ? Alors d'abord, il faut savoir que le TGV n'était pas la première solution. Il y a d'abord le monorail de Bertin, qui est un projet qui a été un peu mort dans l'œuf, mais enfin, il reste encore des kilomètres de voies. Et c'est assez émouvant, d'ailleurs, quand on est en TGV, de voir cet ancêtre mort-né, je dirais. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que, évidemment, la SNCF s'est réveillée. Elle a dit on est en train, évidemment, de perdre ce qui va être un enjeu considérable pour l'avenir. Et là, ils mettent le paquet. Et effectivement, le TGV est une extraordinaire réussite française et qui va, je dirais, transformer la vision du train. Et ça va aussi. Les Japonais sont déjà sur le coup. Ils ont des trains remarquables depuis un certain temps. Mais c'est vrai que le TGV est un basculement très important en France. Georges Ribeil. Justement, les Japonais étaient présents au record de vitesse de 1955, ont pris des notes, comme des bons Japonais, bons ingénieurs, et en 1964, ils annoncent la sortie du Shinkansen, le Tokaido, sur une ligne nouvelle de Tokaido, on fait enrouler un train à plus de 200 km à l'heure. Et ça, c'est un coup dur pour le moral des ingénieurs de la SNCF qui étaient encore fiers de leur record de 1955. On revient, comme au début du chemin de fer, dans une émulation internationale où il devient difficilement supportable pour les Français de la SNCF, ces ingénieurs, d'encaisser le fait qu'au Japon, là-bas, un pays lointain et exotique, on fait beaucoup mieux qu'en France. Donc, on va se mettre en chantier. Des chercheurs de différentes disciplines, voient, n'oublions pas la voie, le caténaire, la motorisation, évidemment, y compris le design de la rame, vont tribuer à cet événement, l'accouchement en 1981 de cette rame TGV. François Schuiten, est-ce qu'on peut dire que l'électricité a sauvé le train de son concurrent principal, l'automobile individuelle, et puis ensuite de l'avion ? Alors oui, oui et non. Ce qui est triste, c'est de voir que à partir du TGV, le TGV va un petit peu, comment dire, ça va être la star, mais on va en partie oublier à quel point le train est nécessaire, à quel point il est important pour nos déplacements. Et on ne va plus parler du train, pour moi, que pour de mauvaises raisons. Je me rappelle quand j'ai défendu le projet d'un musée à Bruxelles, je sentais qu'on me parlait des gares qui étaient sales, des problèmes de ponctualité. Il y avait eu en plus un accident. Et en fait, autour du coup, le train était cher, c'était toujours la même rengaine. Et pourquoi aller faire un musée parce qu'en fait, profondément, ça avait plein de défauts, le train. Et donc, cette période, heureusement, cette période a l'air d'être révolue. Et c'est un soulagement que de voir qu'on regarde enfin différemment le train. Mais ça a été un peu dur d'entendre tout ça. C'était dur parce que c'était profondément injuste. Et de voir tout ce que nous a donné le ferroviaire, et de voir qu'on l'a, comme ça, on l'a critiqué indéfiniment. Georges Ribeil. Alors, une autre étape, d'un point de vue culturel, avant l'arrivée du TGV, il faut évoquer la révolution, je l'appelle corallienne, l'arrivée des voitures corail en 1975. C'est le fruit à la SNCF inédit d'une démarche marketing. Pour la première fois, on va sonder des voyageurs sur ce qu'ils demandent en termes de confort, de fauteuils, et on aboutit à ce matériel tout à fait nouveau, révolutionnaire. Pourquoi il est révolutionnaire ? Parce qu'il s'inspire largement du modèle aérien concurrent, c'est-à-dire le couloir central, des hublots sur les côtés, des sièges assez serrés, mais en même temps, on peut manger sur un plateau amovible, on peut avoir un plateau repas servi par une charmante hôtesse. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'avant, c'était des compartiments, on se faisait face, on était six l'un en face de l'autre, il y a encore quelques trains comme ça. C'est la fin du wagon de la voiture à couloir latéral, avec l'imposition de ce modèle, je l'appelle ça de carlingue d'avion, un peu à l'étroit, avec on est quand même servi par des chariots qui nous portent des plateaux repas, c'était l'idée au début. Et avec un atout fondamental, bien avant, c'est la climatisation. Donc, de cette voiture corail, on ne peut plus baisser, il n'est plus dangereux de baisser la vitre et périglosporgia, comme c'était indiqué dans les trains autrefois. On est maintenant dans une carlingue verrouillée. C'est un modèle quand même qui marque une rupture par rapport à ce qu'on peut rappeler le romantisme de la voiture à l'ancienne, avec ce couloir latéral, ce compartiment huis clos, propice à des tas d'aventures en tout genre. Bon, là, nous sommes coincés, etc. Et ce modèle-là, ce concept né du marketing, la voiture corail, c'est la même. Elle va définir exactement les premières voitures du TGV avec les mêmes pas, les mêmes baies, un peu en forme de hublot, en exagérant un petit peu. N'oublions pas que même le modèle aérien va impacter le système de réservation, la trafication, le management. Oui, la SNCF est obligée là maintenant de suivre un petit peu le modèle concurrent qui a pris de l'avance. Hein, et le modèle aérien. Et bien entendu, elle va le payer un petit peu parce que à l'époque, si on pense en France promouvoir le tout TGV, bien entendu, pour réagir, se positionner par rapport aux concurrents de l'aviation, ce sera largement au détriment d'une offre de ces bons vieux express, comme on les appelait à l'époque, express omnibus, qui vont être abattardis, simplifiés, détruits, devenus des TER financés par les régions, très bien. N'oublions pas les premières victimes, les trains de nuit, qui reviennent un petit TGV, peu quand même, sur la table. Sont des premières victimes, au fond, on dit, voyager dans la soirée, c'est mieux qu'en train de nuit. Or, en fait, beaucoup de gens faisaient le calcul qu'au fond, lorsqu'on est obligé de dormir une nuit, autant la dormir en train de nuit, et on gagne aussi beaucoup de temps, finalement. François Chuitaine, il nous reste vraiment très très peu de temps. Selon vous, est-ce que le train est une solution aujourd'hui, plus que jamais, d'avenir ? Oui, c'est ça qui change la donne. C'est que maintenant, on se rend compte à quel point on a besoin du ferroviaire. Elle fait partie des solutions pour combattre les problèmes environnementaux que nous avons. Et ça, c'est vraiment la dimension qui a complètement transformé le regard qu'on a sur le train, ce qui fait que nous avons un bel avenir, je crois, qui se profile, parce que on voit revenir enfin des projets, on voit de nouveaux, les trains de nuit, vous l'avez évoqué, mais on voit aussi une façon de vivre le train, on voit des dessins et des esquisses sur ce que pourraient être les trains de demain, et ça fait plaisir, parce que c'est un vrai changement. Bien, merci beaucoup à tous les deux, François Schuiten, Georges Ribeil, d'avoir joué à nos côtés les chefs de gare tout au long de cette heure. Et pour conclure ce dernier Eureka de l'été, on se quitte comme chaque jour en musique avec aujourd'hui une sélection de notre aiguilleuse du ciel, Mariam Ibrahim. On écoute Long Train Running par les Doobie Brothers. Un immense, immense merci à toute l'équipe d'Eureka avec qui nous avons eu la joie d'œuvrer avec Natacha Triou tout l'été dans Eureka. Mariam Ibrahim, Antonin Auberger, était Éléonore Pérez, Antoscan Viudest, Mundenstock, Alexandra Delbo. À la réalisation, merci beaucoup également aux Caredas, Nicolas Berger, Milena Elig, Somaya Dabesh et Anne de Pelchin. À la technique, aujourd'hui, Félix Delacour. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes à vie sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Eureka, c'est fini pour cet été et c'était un immense bonheur de vous accompagner tous les jours sur le chemin des grandes découvertes et des grandes inventions. J'aurai le tout aussi immense plaisir de vous retrouver dès lundi dans la méthode scientifique de 16h à 17h avec Natacha Triou à la manœuvre au Journal des Sciences. Lundi, nous parlerons justement du plaisir et des mécanismes neurobiologiques à l'œuvre derrière cette sensation. Mardi, nous reviendrons sur les dernières avancées dans le domaine de la fusion nucléaire. Mercredi, nous ferons un point sur le dernier rapport du GIEC et sur nos capacités scientifiques à prévoir les évolutions futures du climat. Jeudi, nous reviendrons sur l'une des figures majeures des sciences naturelles, Georges Cuvier. Enfin, vendredi, vous retrouverez le patron Nicolas Martin pour une table ronde actualité, nouvelle formule avec tout l'équipage de vos chroniqueurs fétiches. Je vous dis donc à lundi, mais d'ici là, n'oubliez pas, tout, je dis bien tout, reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.